cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Héricot. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. CKRL HD. Une radio haute décibel. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, c'est-à-dire Terra Incognita. Ce soir, Bruno et Michel avec vous jusqu'à minuit. On va commencer par quelques petites nouvelles pour les amateurs. Transatlantique, probablement au courant que le groupe vient à Québec. Le 5 février au Capitole, les billets sont en vente, donc avis aux intéressés, c'est déjà parti. Et je pense que ça traînera pas. Donc, Transatlantique, le 5 février, ils vont présenter leur disque un petit peu avant, je pense fin janvier. J'ai fait une petite entrevue avec M. Rainer Stolt et j'ai pas réussi à savoir le titre du disque, il a refusé. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y aurait 8 covers, entre guillemets, 8 interprétations, mais il n'a pas voulu me dire les titres non plus. Vous allez me dire qu'il n'est pas très bavard, mais on a parlé de bien d'autres choses. Et puis, j'ai appris notamment que le groupe va faire partie de Progressive Nation at Sea. Mais ça, c'était pas une nouvelle. La nouvelle, c'est que John Anderson fait partie de l'équipée et qu'il va chanter avec Transatlantique une couple de classiques de Yes. Enfin, là, ça te donne peut-être plus le goût d'aller voir ce qui se passe sur ce bateau-là. Et parlant de spectacle, mais écoutez... On va parler de quelque chose qui va avoir lieu au mois de mai. Vous me voyez venir peut-être le 17 et le 18 mai au Centre d'art La Chapelle. Et on parle évidemment de la Convention Terra Incognita. Et vous vous demandez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un premier groupe qui a confirmé sa présence pour le samedi soir 17 mai. Donc, on aura l'honneur et le plaisir de recevoir pour son tout premier concert en sol canadien. Nul autre que Glasshammer, une formation américaine que vous connaissez assurément. Donc, c'est parti, nous aussi de notre côté, donc le 17 mai, Glasshammer. Et il y a bien d'autres nouvelles qui s'en viennent, mais on va prendre ça bouchée par bouchée. Mais je vous avoue que moi, ça fait comme 5 ans que je les tanne avec ça. Et finalement, cette année, ben, ma persévérance a porté fruit et je vous en cache pas, je suis très content. Pour moi, c'est un beau coup de filet parce que, bon, je suis un fan, et puis quand tu travailles 4-5 ans sur le même groupe, tu te dis, ça va finir par aboutir d'une façon ou d'une autre. Et c'est fait, donc, Glasshammer. Et ben, pour souligner le coup, ben, on commence ce soir avec deux pièces de Glasshammer. Hello, this is Fred Schendel of Glasshammer, and you're listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. They watched their king song in a pillared hall. Me fortress key, the world has never seen their equal. So yet they were not alone, something else was there, lurking quietly in the darkened room. Call it bright, or call it greed, it cloaked itself in shadow gloom and searched each other. Fires are burning, they stand watching their king, peering from shadows, his eyes full of greed. One stands watching his king. Now he watched the king, his lord, with the rest. He craved what he saw. He fought himself and vowed to be true, as over his heart the shadow grew, clawing deeper with sharp. Full of crafted from sweat and from lead to the beat of hammer and tong. No simple crown did he raise from the fire, shimmering of silver and gold. We can envision a princess to serve as his heir, a daughter to love him. She'll take his hand and will walk at his side, singing the darkness and blue away, away. This is Steve Babb of Glass Hammer. See you in Quebec City, May 17th. to touch the sky. He hit me with a question and I had no answer. From beyond his room, searching out the source, as he pulled apart the curtains, then he saw the morning sun. Some would say he dreamed it, fibbed and nearly schemed it, yet I'm really not so sure. Seeming so convinced, he stirred from deep within. Meditations on for me. We were very young. We were racing through a garden, laughing in the sunshine and reveling in the sound of his singing, singing, such the sun. Snuggled close beside me, here the boy was waiting, waiting for the answer to his mystery. Dare I kill the magic, rob his world of beauty, toss away the morning joy. We were very old, we were climbing toward the summit, far above the meadows, far above the clouds, just to

gonna hide the sight of death away. Living in a world where all is good, never gonna be all that I should. A time to open my mind, the fears to live, the truth to find my way. So bright, walking in the heat into the night, never having dreamt the time would slip away. Stepping out upon the stage, the noise, singing out the words, one will, one voice. A time to open my mind, the fears to live, a truth to find. Hear the truth in your voice. chasing anger. Cold confusion, I reign supreme. So will the center hold much longer in this point blank industrial scream? Broken promise and shielded towers, broken wingspan, disturbing dreams. Down the old now familiar walkways, angels' play dust has lost its sheen. Flower King, de leur plus récent Desolation Rose, qui est un disque qui paraît peut-être un peu plus d'un an après Bank of Eden. J'ai l'impression qu'après une absence de 5 ans, les gars ont le goût de reprendre le collier, puis pas à peu près. Et parce que le disque vient de sortir, ils présentent des concerts en décembre en Suède, et après ça, c'est la tournée, notamment sur la croisière Progressive Nation à Tissy. Et je pense que après ça, c'est l'Europe là, qui va... qui va être sillonné. Les gars ont vraiment le goût. Puis il est question, Ryan Stout m'a parlé d'une tournée nord-américaine qui devrait suivre au printemps, mais c'est, il y a probablement une question de logistique aussi, parce que Transatlantique va être aussi en tournée à la même époque. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont arranger leur flûte, mais je leur fais confiance, et ça, il n'y a pas de problème. Et on avait écouté avant Magenta, de leur plus récent, et un beau retour au prog pour le groupe. The 27 Club, et c'était la pièce de Lizard King. Je sais pas s'ils font allusion à Jim Morrison. Il faudrait que je lise attentivement les paroles, mais c'est, enfin, c'est un beau retour pour Magenta de 27 Club. Dans quelques instants, on vous revient en musique. Cette fois-ci, on va aller du côté de l'Italie, avec une autre nouveauté, Il Tempo dell'Eclissidre. Je pense que vous n'avez entendu quelques, au moment de l'apparition de leur premier disque, on a comme fait jouer abondamment, et je pense que ça va être le cas aussi de celui-ci, Alien Natura. Mais en attendant, quelques messages, et on vous revient après. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. L'Amicale des arracheuses et arracheurs de dents de Québec, organisme reconnu par l'ONU, vous présente son concours de menterie. Des conteuses et des conteurs de toute la galaxie tenteront de convaincre des juges de renommée mondiale que leurs histoires sont vraies. Le concours n'est pas ouvert aux professionnels du mensonge. Dentiste? Ça fera pas mal. Vendeur itinérant? C'est fait au Québec. Banquier? Vous êtes important pour nous. Politicien? Avocat? Mon client, M. Marco, est un homme respectable. Le samedi 9 novembre à 14h au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. CKRL 89.1, Québec. noche en silencio. Capovolta, solo mi troverà nascosto in questo angolo. Di vento e di rocce taglienti come la. Venduta al capriccio d'avventura.

pas tout à fait une nouveauté, mais pas loin. Moi, je l'ai comme pas vu passer. C'est un groupe italien qui a pour nom Sarastro Blake. En fait, je sais pas si je le prononce comme il faut, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Donc, un disque qui est paru quand même il y a plusieurs semaines et que je n'ai pas vu passer. Un autre, comme on pourrait dire, super projet avec beaucoup d'invités. Là. Cette fois-ci, il y a Rick Wakeman, Nick Magnus, l'ancien claviériste de Steve Hackett, et puis Richard Sinclair, que vous avez entendu d'ailleurs sur cette pièce. Vous l'avez probablement reconnu, là, il y a quelques petites touches caravane. Et c'est l'œuvre du bassiste, l'ancien bassiste d'un groupe italien qui a pour nom Mogador, donc Paolo Pigni. Et je dois dire que c'est du bon prog mélodique, qui c'est pas très complexe. Là. En fait, je pense que M. Pigny est un adepte de Alan Parsons Project, c'est que ça vous donne une idée là, que ça ne brassera pas trop non plus. Mais on en parlait tantôt, puis on trouvait que ça sonnait un peu caravane, puis peut-être là, on a eu un autre point de vue, qui est un peu Kansas aussi. C'est une piste effectivement, mais enfin c'est un très bon disque qui a pour titre The New Progmantics, les nouveaux romantiques du prog. Et c'est bon, comme je dis, pas trop complexe, mais c'est très très mélodique, très bien fait. Et en fait c'est un bloc italien. Tout juste avant, on avait un groupe qui a pour nom Progenesi, musique instrumentale, Ulysse L'Altieri Nero. Et on avait débuté avec une nouveauté, Il Tempo delle Clessidre, Alien Natura, un excellent groupe italien. Et puis, ben ça, c'est pas la première, c'est pas la dernière plutôt. On va en entendre pendant les semaines à venir, donc Il Tempio, le nouveau. On continue en musique dans quelques instants. Évidemment, il y a toujours nos messages d'intérêt public. On va retourner avec du côté de l'Angleterre, avec The Custodians. Et puis aussi, une petite nouveauté polonaise, Tides from Nebula. Donc, on va tomber un peu dans le post-rock avec ça. Et on va filer jusqu'à minuit de même. Après ça, c'est l'autoroute. Donc, on continue, nous, en musique. Après, c'est quelques messages. Et quand je dis nous, ben, c'est Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit. Et c'est Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Le Ciné-Club Spirafim au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage « Tombé dans l'œil » de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille. Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1, Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Thank you.

Turn for Petit retour en arrière pour introduire l'autoroute. Un petit clin d'œil là, à Stéphane qui s'en vient dans quelques instants. On est remonté à la fin des années 60 avec Khan, K-H-A-N, pas le groupe allemand, là, C-A-N, Space Shanty. Vous avez sûrement reconnu les sonorités de clavier, là, à la caravane, à la Egg. Egg, ben, c'est pas un hasard parce que c'est Dave Stewart qui était au clavier sur ce disque. Le seul et unique, malheureusement, de ce merveilleux groupe. À la guitare, Steve Village, nul autre que lui-même. Et puis, ben, j'avais le goût de revenir parce que Steve Village, je l'ai entendu tout récemment sur le nouveau Nick Turner, Space Gypsies, et ça m'a comme redonné le goût de réécouter ce guitariste-là. Donc, Steve Village était le guitariste. Avant ça, on avait... Attendez un peu, je vais tourner ma... Les British, Sanguine Hum, Weight of the World. C'est un groupe que j'aimerais beaucoup voir en concert, qui synthétise beaucoup les années 70, puis en ajoutant leur touche, c'était le lien un peu avec le Canterbury. Sanguine Hum, Weight of the World, et je retourne ma page. On s'en va en Pologne avec... Tides from Nebula. Là, on était dans le post-rock. C'est leur deuxième disque, Eternal Movement, qui est sur le point de paraître. Et on avait entamé le tout avec des British, The Custodians, Necessary Wasted Time. C'est déjà le temps pour moi de tirer notre révérence à moi et à Bruno. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'est l'autoroute qui prend la relève dans quelques instants. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Les mercredis à minuit, CKRL vous propose les mixtapes. Une sélection musicale dont vous êtes le héros. Pour entendre vos choix musicaux sur nos ondes, faites-nous parvenir votre fichier audio et la liste de vos chansons. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Programmation » et cliquez sur la page « Mixtape » pour plus de détails. C'est maintenant à vous de jouer.